Chapitre 23e. Le jour du repos semblait en effet être venu pour les amants. Ils trouvaient dans la joie de leur cœur une fête perpétuelle. Un soir, cependant, que la famille était au salon, occupée à jouer aux cartes, Pulchéri descendit légèrement les marches du perron. La lune détacha vif son croissant au-dessus des masses sombres du parc. Le perron donnait sur une plateforme où il y avait des parterres de fleurs et quelques bancs. Pulchéri, du milieu du salon, avait pressenti Georges. Le jeune docteur était assis en l'attendant, dès qu'il la vit venir. « Je vous appelais intérieurement, lui dit-il, parce que j'ai besoin de vous voir et de vous voir seul. »« Pourquoi pleurez-vous ? » dit Pulchéri en devinant une larme aux yeux de Georges. « Parce que je vous aime, répondit-il. « Eh bien, le beau sujet d'être triste, » fit-elle avec un sourire charmant. « Je n'aurais pas sujet d'être triste, » reprit Georges, « si nous n'étions que nous au monde, mais... »« Chassez donc ces mauvaises pensées, » interrompit Mademoiselle de B. « Tu sais bien que je t'aime et que tout ici se fait à ma volonté. Je t'aime, Georges. Quand nous nous regardons ainsi, j'ai tes yeux dans mes yeux et tu as mon âme. Ce que tu veux, je le veux. Ce que tu dis, je le pensais. Je te trouve beau, mais est-ce pour cela que je t'aime? Je ne crois pas. Pourquoi donc? Je ne sais. T'aimer est pour moi aussi naturel et aussi nécessaire que de vivre. Je ne me comprends pas sans toi. Si je suis, c'est que tu es. Avant toi, je n'existais pas, je t'attendais. J'ai besoin de dire tout cela. Oh, vraiment, nous aimons bien. Encore ce mot-là va à tout le monde. Il faudrait en faire un pour nous seuls, car les autres hommes et les femmes n'ont pas un cœur à notre image. » En disant ces mots d'une voix divine, Pulchéri écarte avec ses mains les longs cheveux de Fritz et lui touche à le front avec le bord de ses lèvres. « Adieu, » ajouta-t-elle, « je t'aime. » Puis elle s'enfuit en lui faisant signe que son devoir était de rentrer au salon.